Chapitre 68e, le chant des morts. Aux grandes tempêtes succède toujours le calme, calme effrayant, mais réparateur. Il était 2 heures du matin ou à peu près, de grands nuages blancs courant sur Paris dessinaient en traits énergiques, sous une lune blafarde, les inégalités de ce terrain funeste, au fossé duquel la foule qui s'enfuyait avait trouvé la chute et la mort. Çà et là, à la lueur de la lune, perdue de temps en temps au sein de ces grands nuages floconneux dont nous avons parlé et qui tamisaient la lumière, çà et là, disons-nous, au bord des talus, dans les fondrières, apparaissaient des cadavres aux vêtements en désordre, les jambes raides, le front livide, les mains étendues en signe de terreur ou de prière. Au milieu de la place, une fumée jaune et infecte, s'échappant des décombres de la charpente, contribuait à donner à la place Louis XV une apparence de champ de bataille. Au milieu de cette place sanglante et désolée, serpentaient mystérieusement et d'un pas rapide des ombres qui s'arrêtaient, regardaient autour d'elles, se baissaient et fuyaient. C'étaient les voleurs de la mort attirés vers leur proie comme des corbeaux. Ils n'avaient pu dépouiller les vivants, ils venaient dépouiller les cadavres, tous surpris d'avoir été prévenus par des confrères. On les voyait se sauver, mécontents et effarés à la vue des tardives baïonnettes qui les menaçaient. Mais au milieu de ces longues files de morts, les voleurs et le guet n'étaient pas les seuls que l'on vit se mouvoir. Il y avait, munis de lanternes, des gens que l'on eût pu prendre pour des curieux. Tristes curieux, hélas! Car c'étaient les parents et les amis inquiets qui n'avaient vu rentrer ni leurs frères, ni leurs amis, ni leurs maîtresses. Or, ils arrivaient des quartiers les plus éloignés, car l'horrible nouvelle s'était déjà répandue sur Paris, désolante comme un ouragan, et les anxiétés s'étaient subitement traduites en recherche. C'était un spectacle plus affreux à voir, peut-être, que celui de la catastrophe. Toutes les impressions se peignaient sur ces visages pâles, depuis le désespoir de ceux qui retrouvaient le cadavre bien-aimé, jusqu'au morne doute de celui qui ne retrouvait rien et qui jetait un coup d'œil avide vers la rivière, coulait, monotone et frémissante. On disait que bien des cadavres avaient été déjà jetés au fleuve par la prévôté de Paris, qui, coupable d'imprudence, voulait cacher ce nombre effrayant de morts que son imprudence avait fait. Puis, quand ils ont rassasié leur vue de ce spectacle stérile, quand ils en ont été saturés, les deux pieds mouillés par l'eau de la Seine, l'âme étreinte de cette dernière angoisse que traîne avec lui le cours nocturne d'une rivière, ils partent, leur lanterne à la main, pour explorer les rues voisines de la place où, dit-on, beaucoup de blessés se sont traînés pour avoir du secours et fuir du moins le théâtre de leur souffrance. Quand, par malheur, ils ont trouvé parmi les cadavres l'objet regretté, l'ami perdu, alors les cris succèdent à la déchirante surprise, et des sanglots s'élevant vers un nouveau point du théâtre sanglant répondent à d'autres sanglots. Parfois encore, la place retentit d'un bruit soudain. Tout à coup, une lanterne tombe et se brise, le vivant s'est jeté à corps perdu sur le mort pour l'embrasser une dernière fois. Il y a d'autres bruits encore dans ce vaste cimetière. Quelques blessés, dont les membres ont été brisés par la chute, dont la poitrine a été labourée par l'épée ou comprimée par l'oppression de la foule, râle un cri ou pousse un gémissement en forme de prière, et aussitôt accourent ceux qui espèrent trouver leur ami et qui s'éloignent quand ils ne l'ont pas reconnu. Toutefois, à l'extrémité de la place, près du jardin, s'organise avec le dévouement de la charité populaire une ambulance. Un jeune chirurgien, on le reconnaît pour tel du moins, à la profusion d'instruments dont il est entouré, un jeune chirurgien se fait apporter les hommes et les femmes blessés. Il les pense, et tout en les pensant, il leur dit de ces mots qui expriment plutôt la haine contre la cause que la pitié pour les faits. À ces deux aides, robustes colporteurs, qui lui font passer la sanglante revue, il crie incessamment « Les femmes du peuple, les hommes du peuple d'abord, ils sont aisés à reconnaître, plus blessés presque toujours, moins richement parés certainement. » À ces mots, répétés après chaque pansement avec une stridente monotonie, un jeune homme au front pâle, qui, un falot à la main, cherche parmi les cadavres, a pour la seconde fois relevé la tête. Une large blessure qui lui sillonne le front laisse échapper quelques gouttes de sang vermeil. Un de ses bras est soutenu par son habit, qui l'enferme entre deux boutons. Son visage, couvert de sueur, trahit une émotion incessante et profonde. À cette recommandation du médecin entendue, comme nous l'avons dit pour la seconde fois, il releva la tête et regardant tristement ses membres mutilés, que l'opérateur semblait lui regarder presque avec délice. « Oh, monsieur, dit-il, pourquoi choisissez-vous parmi les victimes ? Parce que, dit le chirurgien en levant la tête à cette interpellation, parce que personne ne soignera les pauvres. Si je ne pense pas à eux et que les riches seront toujours assez recherchés, abaissez votre lanterne et interrogez le pavé. Vous trouvez 100 pauvres pour un riche ou un noble. Et dans cette catastrophe encore, avec un bonheur qui finira par lasser Dieu lui-même, les nobles et les riches ont payé le tribut qu'ils payent d'ordinaire, 1 sur 1000. Le jeune homme éleva son falot à la hauteur de son front sanglant. Alors, je suis donc le seul, dit-il sans s'irriter, moi, gentilhomme perdu comme tant d'autres en cette foule, moi, qu'un coup de pied de cheval a blessé au front et qui me suis brisé le bras gauche en tombant dans un fossé. On court après les riches et les nobles, dites-vous. Vous voyez bien cependant que je ne suis pas encore pansé. Vous avez votre hôtel, vous, votre médecin. Retournez chez vous puisque vous marchez. Je ne vous demande pas vos soins, monsieur. Je cherche ma sœur, une belle jeune fille de 16 ans, hélas, tuée sans doute, quoiqu'elle ne soit pas du peuple. Elle avait une robe blanche et un collier avec une croix au cou. Bien qu'elle ait son hôtel et son médecin, répondez-moi, par pitié, avez-vous vu, monsieur, celle que je cherche ? Monsieur, dit le jeune chirurgien avec une véhémence fiévreuse, prouvait que les idées exprimées par lui bouillaient depuis longtemps dans sa poitrine. Monsieur, l'humanité me guide, c'est pour elle que je me dévoue. Et quand je laisse sur son lit de mort l'aristocratie pour élever le peuple en souffrance, j'obéis à la loi véritable de cette humanité dont j'ai fait ma déesse. Tous les malheurs arrivés aujourd'hui viennent de vous. Ils viennent de vos abus, de vos embahissements. Supportez-en donc les conséquences. Non, monsieur, je n'ai pas vu votre sœur. Et sur cette foudroyante apostrophe, l'opérateur se remet à la besogne. On venait de lui apporter une pauvre femme dont un carreau s'avait broyé les deux jambes. « Voyez, » ajouta-t-il, en poursuivant de ce cri Philippe qui s'enfuyait, « Voyez, sont-ce les pauvres qui lancent dans les fêtes publiques leurs carrosses de façon à broyer les jambes des riches ?» Philippe, qui appartenait à cette jeune noblesse qui nous a donné les Lafayette et les Lamette, avait plus d'une fois professé les mêmes maximes qu'il épouvantait dans la bouche de ce jeune homme. Leur application retomba sur lui comme un châtiment. Le cœur brisé, il s'éloigna des environs de l'ambulance pour suivre sa triste exploration. Au bout d'un instant, emporté par la douleur, on l'entendit crier d'une voix pleine de larmes. « André ! André !» Près de lui passait en ce moment, marchant d'un pas précipité, un homme déjà vieux, vêtu d'un habit de drap gris, de bas drapé, et de la main droite s'appuyant sur une canne, tandis que de la gauche, il tenait une de ses lanternes faite d'une chandelle enfermée dans du papier huilé. Entendant gémir ainsi Philippe, cet homme comprit ce qu'il souffrait et murmura. « Pauvre jeune homme !» Mais comme il paraissait être venu pour une cause pareille à la sienne, il passa outre. Puis, tout à coup, comme s'il se fût reproché d'être passé devant une si grande douleur, sans avoir essayé d'y apporter quelque consolation, « Monsieur, lui dit-il, pardonnez-moi de mêler ma douleur à la vôtre, mais ceux qui sont frappés du même coup doivent s'appuyer l'un à l'autre pour ne pas tomber. D'ailleurs, vous pouvez m'être utile. Vous cherchez depuis longtemps, car votre bougie est prête à s'éteindre. Vous devez donc connaître les endroits les plus funestes de la place. « Oh oui, monsieur, je les connais. Eh bien, moi aussi, je cherche quelqu'un. Alors voyez d'abord au grand fossé, là vous trouvez plus de 50 cadavres. 50, juste ciel, tant de victimes tuées au milieu d'une fête. Tant de victimes, monsieur. J'ai déjà éclairé 1000 visages, et je n'ai pas encore retrouvé ma sœur. Votre sœur? C'est là-bas, dans cette direction, qu'elle était. Je l'ai perdue près d'un banc. J'ai retrouvé la place où je l'avais perdue, mais d'elle, nulle trace. Je vais recommencer à la chercher à partir du bastion. De quel côté allait la foule, monsieur? Vers les bâtiments neufs, vers la rue de la Madeleine. Alors ce doit être de ce côté. Sans doute. Aussi elle cherchait de ce côté d'abord. Mais il y avait de terribles remous. Puis le flot allait par là, c'est vrai. Mais une pauvre femme qui a la tête perdue ne sait où elle va et cherche à fuir dans toutes les directions. Monsieur, c'est peu probable qu'elle ait lutté contre le courant. Je vais chercher du côté des rues. Venez avec moi, et tous deux réunis, peut-être nous trouverons. « Et que cherchez-vous, votre fils ?» demanda timidement Philippe. « Non, monsieur, mais un enfant que j'avais presque adopté. Vous l'avez laissé venir seul ?»« Oh, c'était un jeune homme déjà, 18 à 19 ans. Maître de ses actions, il a voulu venir. Je n'ai pas pu l'empêcher. D'ailleurs, on était si loin de deviner cette horrible catastrophe. Votre bougie s'éteint. Oui, monsieur. Venez avec moi, je vous éclairerai. Merci. » « Vous êtes bien bon, mais je vous gênerai. Oh, ne craignez rien, puisqu'il faut que je cherche pour moi-même. Le pauvre enfant rentrait d'ordinaire exactement, continua le vieillard en s'avançant par les rues. Mais ce soir, j'avais comme un pressentiment. Je l'attendais. Il était 11 heures déjà. Ma femme a pris d'une voisine les malheurs de cette fête. J'ai attendu 2 heures, espérant toujours qu'il rentrerait. Ne le voyant pas rentrer, j'ai pensé qu'il serait lâche à moi de dormir sans nouvelles. Ainsi, nous allons vers les maisons ? Demanda le jeune homme. Oui, vous l'avez dit, la foule a dû se porter de ce côté, et s'y est portée certainement. Ce sera là sans doute qu'aura couru le malheureux enfant. Un provincial tout ignorant, non seulement des usages, mais des rues de la grande ville. Peut-être était-ce la première fois qu'il venait sur la place Louis XV. Hélas, ma sœur aussi est de province, monsieur. Affreux spectacle, dit le vieillard en se détournant d'un groupe de cadavres entassés. C'est pourtant là qu'il faut chercher, dit le jeune homme approchant résolument sa lanterne de ce monceau de corps. Oh, je frissonne à regarder, car au simple que je suis, la destruction me cause une horreur que je ne puis vaincre. J'avais cette même horreur, mais ce soir j'ai fait mon apprentissage. Tenez, voici un jeune homme de 16 à 18 ans. Il a été étouffé car je ne lui vois pas de blessure. Est-ce celui-là que vous cherchez ? Le vieillard fit un effort et approcha sa lanterne. Non, monsieur, non, vraiment. Le mien est plus jeune, des cheveux noirs, un visage pâle. Hélas, ils sont tous pâles ce soir, répliqua Philippe. Oh, voyez, dit le vieillard. Nous voilà au pied du garde-meuble. Voyez ces vestiges de la lutte. Ce sang sur les murailles, ces lambeaux sur les barres de fer, ces morceaux d'habits flottants aux lances des grilles, et puis en vérité, on ne sait plus où marcher. C'était par ici bien certainement, murmura Philippe. Que de souffrance, ah mon Dieu! Quoi? Un lambeau blanc sous ces cadavres. Ma sœur avait une robe blanche. Prêtez-moi votre falot, monsieur, je vous en supplie. En effet, Philippe avait aperçu et saisi un lambeau d'étoffe blanche. Il le quitta, n'ayant qu'une main pour prendre le falot. C'est un morceau d'étoffe de robe de femme que tient la main d'un jeune homme, s'écria-t-il, d'une robe blanche pareille à celle d'André. Oh, André, André! Et le jeune homme poussa un sanglot déchirant. Le vieillard s'approcha à son tour. C'est lui! S'écria-t-il en ouvrant les bras. Cette exclamation attira l'attention du jeune homme. Gilbert! S'écria à son tour Philippe. Vous connaissez Gilbert, monsieur? C'est Gilbert que vous cherchez? Ces deux exclamations se croisèrent simultanément. Le vieillard saisit la main de Gilbert, elle était glacée. Philippe ouvrit le gilet du jeune homme, écarta la chemise et posa la main sur son cœur. « Pauvre Gilbert, » dit-il. « Mon cher enfant, » soupira le vieillard. « Il respire, il vit, vous dis-je, » s'écria Philippe. « Oh, croyez-vous, j'en suis sûr, son cœur bat. »« C'est vrai, » répondit le vieillard. « au secours, il y a là-bas un chirurgien. » « Oh, secourons-le nous-mêmes, monsieur. Tout à l'heure, je lui ai demandé du secours, il m'a refusé. »« Il faudra bien qu'il soigne mon enfant, » s'écria le vieillard exaspéré. « Il le faudra. Aidez-moi, monsieur. Aidez-moi à lui conduire Gilbert. »« Je n'ai qu'un bras, » dit Philippe. « Il est à vous, monsieur. Et moi, tout vieux que je suis, je serai fort. Allons. » Le vieillard saisit Gilbert par les épaules. Le jeune homme passait les deux pieds sous son bras droit, et ils cheminèrent ainsi jusqu'au groupe que continuait de présider l'opérateur. « du secours !» cria le vieillard. « Les gens du peuple, d'abord, les gens du peuple !» répondit le chirurgien, fidèle à sa maxime, et sûr qu'il était, chaque fois qu'il répondait ainsi, d'exciter un murmure d'admiration dans le groupe qui l'entourait. « C'est un homme du peuple que j'apporte !» dit le vieillard avec feu, mais commence à ressentir un peu de cette admiration générale que cet absolutisme du jeune chirurgien soulevait autour de lui. « Alors, après les femmes !» dit le chirurgien. « Les hommes ont plus de force que les femmes pour supporter la douleur. »« Une simple saignée, monsieur, » dit le vieillard. « Une saignée suffira. »« Ah, c'est encore vous, monsieur le gentilhomme, » dit le chirurgien, apercevant Philippe avant d'apercevoir le vieillard. Philippe ne répondit rien. Le vieillard crut que ses paroles s'adressaient à lui. « Je ne suis pas gentilhomme, » dit-il. « Je suis homme du peuple, je m'appelle Jean-Jacques Rousseau. » Le médecin poussa un cri de surprise et faisant un signe impératif. « Place ! Place à l'homme de la nature ! Place aux citoyens de Genève !»« Merci, monsieur, » dit Rousseau, « merci. »« Vous serait-il arrivé quelque accident, monsieur ?» demanda le jeune médecin. « Non, mais à ce pauvre enfant, voyez. »« Ah, vous aussi, » s'écria le médecin, « vous aussi, comme moi, vous représentez la cause de l'humanité. » Rousseau, ému de ce triomphe inattendu, ne sut que balbutier quelques mots presque inintelligibles. Philippe, saisi de stupéfaction de se trouver en face du philosophe qu'il admirait, se tint à l'écart. On aida Rousseau à déposer Gilbert, toujours évanoui, sur la table. Ce fut en ce moment que Rousseau jeta un regard sur celui dont il invoquait le secours. C'était un jeune homme de l'âge de Gilbert à peu près, mais sur lequel aucun trait ne rappelait la jeunesse. Son teint jaune était flétri comme celui d'un vieillard. Sa paupière flasque recouvrait un œil de serpent, et sa bouche était tordue comme l'est dans ses accès la bouche d'un épileptique. Les manches retroussées jusqu'au coude, les bras couverts de sang, entourés de tronçons humains, il semblait bien plutôt un bourreau à l'œuvre et enthousiaste de son métier qu'un médecin accomplissant sa triste et sainte mission. Cependant le nom de Rousseau avait eu cette influence sur lui qu'il sembla un instant renoncer à sa brutalité ordinaire. Il ouvrit doucement la manche de Gilbert, comprima le bras avec une bande de linge et piqua la veine. Le sang coula goutte à goutte d'abord, mais après quelques secondes, ce sang pur et généreux de la jeunesse commença de jaillir. « Allons, allons, on le sauvera !» dit l'opérateur. « Mais il faudra de grands soins. La poitrine a été rudement froissée. » « Il me reste à vous remercier, monsieur, » dit Rousseau, « et à vous louer, non pas de l'exclusion que vous faites en faveur des pauvres, mais de votre dévouement aux pauvres. Tous les hommes sont frères. Même les nobles, même les aristocrates, même les riches ?» demanda le chirurgien avec un regard qui fit briller son œil aigu sous sa lourde paupière. « Même les nobles, même les aristocrates, même les riches, quand ils souffrent, » dit Rousseau. « Pardonnez, monsieur, » dit l'opérateur, « mais je suis né à Baudry, près de Neuchâtel. Je suis suisse, comme vous, et par conséquent un peu démocrate. »« Un compatriote !» s'écria Rousseau. « Un suisse ! Votre nom, s'il vous plaît, monsieur, votre nom. Un nom obscur, monsieur. Le nom d'un homme modeste qui vous savie à l'étude, en attendant qu'il puisse, comme vous, l'avouer au bonheur de l'humanité. Je me nomme Jean-Paul Marat. »« Merci, monsieur Marat, » dit Rousseau. Mais tout en éclairant ce peuple sur ses droits, ne l'excitez pas à la vengeance, car s'il se venge jamais, vous serez peut-être effrayé vous-même des représailles. » Marat eut un sourire affreux. « Ah, si ce jour vient de mon vivant, » dit-il, « si j'ai le bonheur de voir ce jour. » Rousseau entendit ces paroles, et effrayé par l'accent avec lequel elles avaient été dites, comme un voyageur est effrayé des premiers grondements d'un tonnerre lointain, il prit Gilbert dans ses bras et essaya de l'emporter. « Deux hommes de bonne volonté pour aider M. Rousseau, deux hommes du peuple !» dit le chirurgien. « Nous, nous !» crièrent 10 voix. Rousseau n'eut qu'à choisir. Il désigna 2 vigoureux commissionnaires qui prirent l'enfant entre leurs bras. En se retirant, il passa près de Philippe. « Tenez, monsieur, » dit-il, « moi je n'ai plus besoin de ma lanterne, prenez-la. »« Merci, monsieur, merci !» dit Philippe. Il saisit la lanterne, et tandis que Rousseau reprenait le chemin de la rue Plâtrière, il se remit à sa recherche. « Pauvre jeune homme !» murmura Rousseau en se retournant et en le voyant disparaître dans les rues encombrées. Et il continuait son chemin en frissonnant, car on entendait toujours vibrer au-dessus de ce chant de deuil la voix stridente du chirurgien qui criait « Les gens du peuple, rien que les gens du peuple, malheur aux nobles, aux riches et aux aristocrates !»